Section 23 de La Maison du Péché par Marcel Tiner. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johann. Chapitre 23. À la petite porte du jardin, Fanny trouva Jacquine qui l'attendait. « Entrez vite, » dit la Chavoche. « Les pieds de loup et les perdriels rôdaient par là tout à l'heure. Ils ne vous ont point vu au moins, ces mauvaises gens. »« Je n'ai rencontré personne. » C'est qu'ils en disent des choses contre vous et contre moi, ma chère dame. Des choses, et ça vient aux oreilles de madame Angélique. À cette heure, elle ne me regarde plus. » Les souffles du crépuscule erraient sur le bosquet de Julie, dont les arbres, touchés par le printemps, mariaient sous une vapeur verte leurs ramilles fauves et brunes. Jacquine reprit. « Votre lettre est arrivée ce matin. Augustin ne comprenait pas si vous deviez venir ici, tout droit, ou si vous iriez d'abord au Chêne Pourpre. Il m'a commandé de vous guetter entre 5 et 6 heures pour vous expliquer. Il n'est donc pas ici ? Il est chez le vieux Faron, avec monsieur Courdimanche. Le vieux Faron ? Oui, un chien d'ivrogne, qui crève d'avoir trop bu. Ça lui a donné une maladie dans la tête. Il fait des cris et des grimaces que le monde en a peur. Et c'est monsieur Courdimanche qui le soigne. Il est très bon, monsieur Courdimanche. Possible, mais des gens comme Faron, des va-nu-pieds, des paresseux, « c'est-il une société pour un monsieur de Chanteprie ? Et il ne voit plus que des gens comme ça. Il ne quitte plus monsieur Courdimanche. Ça ne lui passera donc jamais, ses idées ?» La pierre bleue tremblait sur la joue de la Chavoche, les mains crispées sous son châle noir, les yeux fixes, dominant Fanny de toute la tête. Elle semblait dire « À quoi pensez-vous donc, et que faites-vous pour qu'il garde ces idées-là, lui qui vous aime ?»« Je ne peux rien sur lui, ma pauvre Jacquine. » « Vous ne pouvez rien, bon Dieu des bois, vous ne vous êtes donc pas regardé ? Il est pourtant fait comme les autres, monsieur de Chanteprie. J'en ai vu de ces garçons qui étaient sages comme des petits saints jusqu'à 17 ans ou 18 ans. Mais, quand ils avaient vu d'un peu près une jolie fille, ça serait-il point que vous lui faites des misères à mon fieu ? Moi, Jacquine, c'est lui au contraire. Dame, je ne connais que lui, j'aime ce qu'il aime, et je vous aime à cause de lui. » Les gens de Hautfort m'appellent de vilains noms parce que je suis pour vous et pour l'amour, madame Fanny, contre la prêtraille. Il n'y a rien de meilleur au monde quand on est jeune que l'amour. La nature veut ça, faut écouter la nature. L'amour embellit les filets et donne de l'esprit aux plus sottes. Je comptais, moi, qu'il changerait l'humeur à mon pauvre fieu. Ne croyez pas qu'Augustin soit méchant ou qu'il ne vous aime pas, ma chère dame. Mais on l'a drôlement élevé. Il s'en ressentira toujours. Toujours. Eh oui! Madame Angélique n'était pas faite pour le mariage. Elle a épousé son cousin sans plaisir, par la volonté des grands-parents. Je le vois encore, le pauvre jeune homme. Il était tout comme son fils. Ces êtres-là, madame, qui sont toujours dans les livres et dans les prières, ils n'ont pas le courage de vivre. Ils pensent à ce qui arrivera, peut-être, après la mort. Ils oublient qu'il fait bon sur terre. Monsieur de Chanteprie est parti tout jeune, et j'ai bien cru que notre Augustin allait le suivre. Un enfant si chétif. Vous l'avez soigné, Jacquine. Vous êtes sa vraie mère, je le sais. Oui, sa vraie mère. Je l'ai veillée, bercée, caressée, je l'ai remise au monde. Et j'ai bien juré que celui-là, les curés ne le prendraient point pour leur bon Dieu. Je pensais, madame Angélique et monsieur Forgeru, son beau-frère, la Chavoche est là. Et que seulement notre Augustin attrape ses 20 ans, la Chavoche aura raison, contre tout le monde. Comprenez-vous ? Dit-elle, avec un accent de maternité sauvage qui fit tressaillir Fanny. Il lui fallait une femme à ce garçon, vous ou une autre, ça m'était bien égal. Mais puisque c'était vous qu'il voulait, je vous donnais toute mon amitié, de confiance. J'étais à vous comme je suis à lui. Bon Dieu de bois, vous n'avez donc que de l'eau dans les veines? Si j'étais de votre âge, et tel que je vous vois, je l'aurais bientôt tiré d'ici, mon Augustin, et je l'emporterais quelque part, n'importe où. L'air du pays ne lui vaut rien. Les deux femmes, l'amoureuse et la servante, se regardèrent, et, dans les prunelles d'or de Jacquine, Fanny lut clairement une prière, un conseil. « J'essaierai, » dit-elle. « Eh bien, je vous laisse, madame Fanny. Montez dans la chambre pour attendre Augustin. Et si le noir vous fait peur, allumez les candélabres. » Au rez-de-chaussée du pavillon, les volets rabattus faisaient les ténèbres. Mais un reflet éclairait encore les pièces du premier étage. Fanny erra de chambre en chambre, prit un livre qu'elle feuilleta sans le lire et revint s'asseoir contre la fenêtre du cabinet de travail. Le ciel pâle et doux, d'un blanc mauve, se fanait comme une anémone sur la plaine violette de Hautfort. Déjà, les chauves-souris, quittant leurs trous, palpitaient autour des ruines. « Comme il est tarde !» pensait Fanny. En bas, dans la profondeur, les chapelles et les cyprès du cimetière se pressaient entre les arceaux du petit cloître. Fanny se rappela le soir d'automne où, dînant avec Augustin, elle évoqua le squelette couronné des repas antiques. La mort qui mêle aux pavots pourpres de Vénus ses pavots candides et conseille aux amants de cueillir le jour. Ingénieusement, elle avait interprété la leçon des morts couchés sur la pente de la colline, mais depuis, elle imagina les songeries d'Augustin, la terreur entretenue dans l'âme chrétienne par le souci perpétuel de l'éternité. L'humide fraîcheur de la nuit s'insinuait dans le pavillon. Très loin, une cloche sonnait. Un aboi lugubre traîna, puis le silence. Augustin ne revenait pas. Dehors, des vitres s'éclairèrent. La trompe du courrier retentit sur la place de l'église, et ce fut le silence, encore. La jeune femme épiait les bruits indistincts du soir. Monsieur de Chanteprie l'avait donc oubliée. Elle était seule, malade de froid et de faim, malade de peur. À tâtons, elle chercha des allumettes sur la cheminée, alluma l'unique bougie d'un candélabre, et cette lueur hésitante mit un peu de vie dans ce sépulcre de la vieille maison. Et l'attente recommença, sous les yeux sévères des quatre évêques, qui occupaient les quatre panneaux du cabinet de travail. La vétusté des choses étonna Fanny. Elle n'avait jamais remarqué l'état lamentable du mobilier. Les rideaux plissés des bibliothèques n'étaient plus que des lambeaux verdâtres. Mille piqûres de verre criblaient le bois des fauteuils. L'étoffe, décolorée, montrait la trame. Dehors, l'obsession du cimetière. Dedans, l'obsession du passé. Tout, dans cette maison faite pour l'amour, tout est poussière, cendre, mélancolie. Et c'est là qu'Augustin doit vivre. Ah, la Chavoche a raison. Il faut partir. Il faut nous en aller, tous deux, au bout du monde. Il faisait nuit noire maintenant. Un courant d'air agitait la flamme de la bougie qui projetait sur les murs les ombres des objets, agrandies, monstrueuses, mouvantes. Le Christ janséniste, aux bras dressés, s'allongeait démesurément dans un coin. Fanny l'avait vu naguère dans l'alcôve d'Augustin. Ce Christ bizarre, qui venait d'Agnès, la miraculée. Mais, depuis l'automne, M. de Chanteprie n'avait plus de crucifix dans sa chambre. 9 heures sonnaient quand Augustin arriva. « Vous m'attendiez encore ? » s'écria-t-il en apercevant Fanny. « Je vous croyais partie et j'allais courir au chêne pourpre. Vous n'avez pas dîné ?»« Non, Jacquine m'a laissé ici en me recommandant de n'en point sortir. »« Excusez-moi, je suis désolée. Vous auriez dû partir sans plus attendre. J'étais retenue par une triste besogne. Ce malheureux Pharaon est mort. »« Eh bien, c'est tant mieux pour lui et pour sa famille. » »« Non pas, car il est mort tout à fait dément, sans les secours de l'Église. » Il n'a pas eu conscience de son état et n'a pu se repentir. Oh, ce délire abject, ces hurlements de bête, quel châtiment, le malheureux! Si le père Pharaon avait duré toute la nuit, vous m'auriez laissé toute la nuit à vous attendre. Ce n'est pas bien. Augustin répliqua, « Quand j'ai reçu votre billet ce matin, j'ai voulu vous télégraphier pour retarder de quelques jours votre visite. Mais les termes de votre lettre étaient si vagues que je n'ai su où vous adresser ma dépêche. À Paris, au chêne pourpre, je ne comprenais pas. Et moi, je ne pensais pas vous désobliger. Pardonnez-moi, vous m'aviez interdit ces surprises, mais il y a encore 2 trains pour Paris. Eh bien, vous ne prendrez que le dernier, et vous dînerez avec moi, ma chérie. Ne soyez pas ironique, vous ne me désobligez pas. » Il baisa la joue froide de sa maîtresse. « Vous boudez encore, ce n'est pas généreux, Fanny. » Elle retenait ses larmes, la gorge serrée d'angoisse. Ah, comme il pouvait lui faire mal! Vous prendrez le dernier train. Il trouvait cela tout naturel. Pourquoi donc était-elle venue, sinon pour la voir un peu à elle, du soir à l'aube, cœur contre cœur? Était-ce à elle de dire « Aimons-nous, dormons ensemble !» Elle crut mourir de honte. Vous prendrez le dernier train. Le petit domestique est allé prévenir Jacquine. « Ma pauvre amie, vous ferez un triste dîner. »« Ça m'est bien égal. Je ne suis pas exigeante, vous le savez, » dit-elle à voix basse, car elle craignait d'éclater en sanglots. Il s'approcha d'elle et elle leva les yeux vers lui. « Vous semblez fatiguée, » fit-elle. « Est-ce que je vous ennuie? Voulez-vous que je m'en aille? Je ne peux pas vous voir comme vous êtes en ce moment. Donnez-moi votre poignet. Oui, vous avez la fièvre. » Je ne suis pas malade, rassurez-vous. Mais Fanny, vous ne partirez pas si vite, et fâchée contre moi. » Fâchée ? D'un geste furtif, elle porta la main du jeune homme à ses lèvres. « Est-ce que je peux être fâchée contre vous ?»« Non, ne retirez pas votre main, chérie. Je vous aime. »« Que vous êtes enfant !» Et d'un ton rude, comme pour vaincre leur double émotion. « Allons, Fanny, soyons raisonnables. Ne nous attendrissons pas. »« Oui, j'oubliais que je dois prendre le dernier train. » Il n'eut pas le temps de répondre. Jacquine apportait le dîner. « Ah, vous en avez une mine ?» dit-elle à Augustin. « Et Madame Fanny, regardez-la donc. Il ne pouvait pas crever plus tôt, ce vieil ivrogne ?» « Tais-toi, Jacquine, j'ai passé l'âge où tu pouvais me donner des leçons. »« C'est entendu, vous êtes le maître. Tenez, je vous ai préparé du vin chaud, à l'ancienne mode. Buvez ça tout de suite. Si vous tombiez malade, ce serait encore la vieille Jacquine qui serait obligée de vous soigner. » Le repas fut court. Jacquine se hâta de desservir. « Bien le bonsoir, madame et monsieur, » dit-elle en s'en allant. « Je vais me coucher. Il est 10 heures tout de suite. » Fanny se leva. « Restez encore un moment. » fit Augustin. « Nous avons encore une grande demi-heure. »« Soit, je reste. Je ne veux pas écourter ma dernière visite. »« Votre dernière visite ?»« Avant mon départ, oui. J'ai vendu tous les bibelots de mon exposition et je me décide à voyager pendant quelques semaines, ou quelques mois, en Hollande. Ce soir, j'étais venu vous dire adieu. » Elle épiait l'effet de ses paroles. Augustin se récria. « Si j'avais su, ô Fanny, vous m'annoncez cette nouvelle au moment de partir ?» Quelle traîtrise ! Si vous aviez su ne pas me revoir avant quelques semaines ou quelques mois, vous ne m'auriez pas invité à prendre le dernier train. C'est tout à fait décidé, vous partez bientôt ? Bientôt. Quelle délivrance pour vous, Augustin ! Plus de lettres, plus de voyages à Paris, plus de surprises, comme ce soir. Vous allez retrouver la paix de l'âme, réjouissez-vous. Pourquoi me parlez-vous ainsi ? Vous me quittez ! J'en éprouve une vraie tristesse, quoique, pourtant, osez dire votre pensée. Soyez brave, une fois. Mon ami, nous traversons l'un et l'autre une crise pénible. Nos âmes se heurtent sans cesse. Je souffre, et je sens que je vous fais souffrir. Peut-être vaut-il mieux, pour notre bonheur, que nous soyons séparés quelque temps. Nous réfléchirons, nous verrons clair en nous-mêmes. Allons, vous êtes accommodant. Je craignais des reproches. Des soupçons. De la jalousie. De la jalousie ? Mais vous voyagerez seule, Fanny. Sans doute. Pourtant, comme j'ai annoncé que je ferai un long séjour à Amsterdam pour voir les musées, le port, un ou plusieurs amis viendront peut-être m'y rejoindre. Plusieurs amis ? Au moins un. Monsieur Barral. Lui ou un autre, qu'est-ce que ça vous fait ? Mais, Fanny, j'ai le droit. Quel droit avez-vous ? Je ne suis pas votre femme, et je suis si peu votre maîtresse. Que diriez-vous si je prétendais diriger votre vie et savoir ce que vous faites pendant ces longs jours où je reste loin de vous, sans nouvelles de vous ? Et puis, si ça vous déplaît que je reçoive M. Barral en Hollande, accompagnez-moi, vous ! Moi ? N'êtes-vous pas libre ? Mais je n'ai pas l'intention de vous enlever de force, mon ami. Réfléchissez. Elle passa dans la chambre, Augustin la suivit. « Que faites-vous là ? Que cherchez-vous ? Mon chapeau, ma jaquette ? Je ne veux pas manquer le dernier train. Non, je n'ai pas besoin de lumière. Ne vous dérangez pas, Augustin. » Violemment, il l'avait saisi. « Je ne veux pas que tu t'en ailles. Pourquoi me dis-tu des choses qui me rendent fou ? Je veux, oh, je veux !» Leur voix n'était plus qu'un murmure. Sous les rideaux, dans l'ombre, étendue contre lui, elle pleurait. « Laisse-moi, laisse-moi !» Je n'aurais pas dû céder. J'ai honte. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi tu pleures. Regarde-moi. Réponds-moi. J'ai honte. Je me dégoûte moi-même. Oh, que ne suis-je loin d'ici ? Encore une fois, je ne sais. Tu ne m'aimes pas. Tu ne m'as jamais aimé. N'es-tu pas dans mon lit, dans mes bras ? Et tout à l'heure ? Tais-toi. Tes baisers, ils me font horreur. Tes baisers. « Oui, je suis dans ton lit, parce que la jalousie a réveillé ta mémoire, parce que tu t'es souvenu de mon corps. Mais après, quel reproche dans ton silence, quelle rancune ! Tu me détestais ! Fanny, je suis pour toi ce qu'était l'alcool pour le vieux Pharaon, ton vice, le vice honteux, ignoble, qu'on n'avoue point. Va, je sais, tu ne m'abuseras plus. tu ne peux plus te tromper toi-même. Non, non, tu ne m'aimes pas. Tu ne t'es jamais donné tout entier. Il y a quelque chose en toi qui se refuse, qui proteste, quelque chose d'insaisissable. Et c'est ça que je veux, ça seulement. Laisse-moi, ne me touche plus. Tes mains, ta bouche, ta chair sur ma chair, et pas ton amour. Ah, c'est horrible. Elle eut un cri navrant. Augustin, soulevé à demi, regardait la nuque sombre, les cheveux répandus sur les bras pâles, tout ce corps frémissant, humilié, secoué de sanglots. « C'est ton amour que je voulais. J'ai cru le mériter par ma patience et ma tendresse. Tes froideurs, tes rebuts, ta négligence insultante, j'ai tout subi, tout pardonné. J'ai mendié tes lettres glacées, tes courtes visites, ces entretiens où tu me meurtrissais le cœur. T'ai-je fatigué de ma présence? Ai-je pleuré devant toi? Ne t'ai-je pas béni pour ces miettes de tendresse dont tu me faisais l'aumône? Ah, je n'étais pas fière. Tu me trouvais toujours, quand tu voulais, docile et caressante. Que n'aurais-je pas fait pour toi? Comme je me donnais! Et tout cela parce que j'espérais, à force de t'aimer, être aimée. » Elle se tourna vers Augustin et lui frappa la poitrine. « Tu n'as rien là, rien! Je puis agoniser de douleur. Mon désespoir, c'est ta revanche. Je dois expier le péché que nous commettons. Tu croirais qu'il n'y a pas de justice si j'étais heureuse. Eh bien, rassure-toi, ton Dieu est vengé, ton Dieu triomphe. Depuis que je suis ta maîtresse, tu ne m'as pas donné une heure, pas une minute de bonheur vrai. Et maintenant j'ai assez souffert, je n'en puis plus, il faut que cela finisse. Ah ! Cria-t-il, si nous pouvions sortir de cet enfer. Tu dis que tu n'es pas heureuse, me crois-tu plus heureux que toi ? Quand je pense à nos rêves de l'an dernier, tout est souillé, tout est détruit. Je n'ai plus d'illusion et plus de courage. Mais regarde-moi donc, je ne me ressemble plus, je suis un autre homme, mes anciens amis ne me reconnaissent plus, et s'ils voyaient mon cœur... Enfin, tu oses parler franchement, tu avoues ta lâcheté, ton ingratitude. Eh bien, je te délivrerai de moi. Fais pénitence, mon ami, sauve ton âme. Ne meurs pas réfractaire comme le vieux Pharaon. Que suis-je dans ta vie, moi? Le péché, la souillure. Rassure-toi donc, je m'en vais. Il y a longtemps que tu souhaitais la rupture. Va, je referai ma vie. J'aimerai qui m'aime. Ne me retiens pas, je veux partir. » La colère l'étourdissait. Elle parlait par phrases hachées, incohérentes. « Tais-toi, » dit Augustin. « Tu me fais pitié. Je connais cet abominable jeu, par respect pour nous-mêmes. Pourquoi t'ai-je rencontré? Qu'es-tu venu faire dans ma vie? J'aurais aimé Georges. J'allais l'aimer. Il le sait bien, lui, qui m'aime encore, lui qui m'attend. Ah, tu n'étais pas jaloux. Tu n'avais pas souci de ce que je pouvais dire ou faire. Comme il m'implorait l'autre soir dans la voiture. Je me suis défendue, gardée pour toi. Et pourtant, il m'aimait, j'en suis sûre. Ces baisers étaient bien des baisers d'amour. Que veux-tu dire? Je n'ai plus de comptes à rendre. Laisse-moi! Il la retint par les deux bras si rudement que ses doigts meurtrirent la chair délicate. Où veux-tu aller à cette heure? Où tu ne seras pas, où je pourrai t'oublier. Tu as vu Barral l'autre soir, en voiture. Tu as parlé de baisers. Explique-toi, je veux savoir. Est-ce une comédie que tu joues pour te venger? Est-ce que... Laisse-moi, tu me fais mal. Eh bien, oui, il m'aime. Il me l'a dit. Tu l'as provoqué. Oh! Tu l'as provoqué. Tu t'es prêté par bravade, par dépit. Tu jouissais de sa convoitise, n'est-ce pas? Vous étiez seul, la nuit, et tu consentais, tu permettais. Il maintenait Fanny. Il l'écrasait contre lui, visage contre visage. Effrayée, elle balbutia. « Tu me brises, ne me regarde pas comme cela !» Mais l'image du couple enlacé, l'image de trahison et de luxure, fascinait Augustin, exaspérait sa fureur. Lâchant Fanny, il retomba la tête dans l'oreiller, sanglotant par secousses spasmodiques qui l'ébranlaient tout entier. Elle se jeta sur lui, l'appelant à voix haute, épouvantée de ce qu'elle avait dit. « Augustin, pardon, je te jure que je n'ai fait aucun mal. J'ai souffleté cet homme. » Il la repoussa. « Va-t'en, vous êtes dignes l'un de l'autre. Tu savais ce que tu risquais. Tu le connaissais, ton Barral. Mais il rôdait autour de tes jupes. Tu acceptais sa présence, ses familiarités. Tu sentais son désir sur toi, et ça te faisait plaisir. Tu l'encourageais sans doute. Ah, ton Barral, ton Georges, comme tu dis. Je le hais, d'instinct, depuis le premier jour. Un bel amant, oui, l'homme qu'il te fallait. Oh, toi que je mettais si haut, toi que je rêvais si grande, si pure, toi que je chérissais, toi, ma Fanny. Il pleura. Puis l'ouragan de la jalousie le secoua encore. Il regarda sa maîtresse avec des yeux de haine. Il éclata en paroles injurieuses. Elle dit simplement « Je renonce à te comprendre. Tu m'abandonnes pendant des jours et des jours. À toutes mes prières, tu opposes l'inertie, l'indifférence. Et parce que j'obéis à ton vœu secret, parce que j'essaie de me reprendre, tu te répands en injures. Que veux-tu donc ?» Elle livrait le dernier combat, pressentant la victoire. Assise sur le lit, demi-nue, elle écartait de ses deux mains la masse de ses boucles sombres. Il y avait dans ses grands yeux de la joie et du désespoir. « Je ne dois plus rester ici. Quittons-nous donc, sans colère, car, tu le sais bien, je ne t'ai jamais offensée. J'ai été imprudente, j'ai eu le tort d'accepter un tête-à-tête avec Barral parce que tu m'avais, une fois de plus, manqué de parole, et que je n'avais pas le courage de rester seule à dévorer mon chagrin. Mais je te le jure, j'ai souffleté cet homme, et je lui ai fermé ma maison. » Car je t'aime, et je ne puis aimer que toi. Tu m'es plus chère que la vie. Pourtant, puisque je te suis odieuse, puisque je suis ton malheur et ton péché, il faut bien que je m'en aille. » Elle savait qu'elle ne s'en irait pas. Brisé, vaincu, Augustin souffrait sous ses yeux volontairement impassibles le même martyre qu'elle avait si longtemps enduré. « Adieu. » Il se rejeta vers elle. « Reste, j'étais fou. « Reste, pardonne. Je crois tout ce que tu me dis. Je ferai ce que tu voudras. Oh, Fanny, je suis si malheureux. Pardonne-moi, console-moi. Je n'ai que toi au monde. Mais tu voulais sortir de cet enfer. Tu me chassais. Tu me renvoyais à Barral. Ne me parle plus de cet homme. Il ne t'aime pas, non. C'est moi qui t'aime. J'ai voulu m'arracher de toi. Je me suis contraint à l'indifférence. Ce soir même, je t'ai paru brutal et méchant. Oh, Fanny, je te reviens. Rends-moi ton corps délicieux. Rends-moi tes lèvres. Tant de souvenirs. Rappelle-toi, Fanny, maîtresse adorée. » Leur cri d'amour expira dans les ténèbres et le désordre du lit. Les émotions contradictoires avaient exaspéré la sensibilité d'Augustin. Scrupule, remords, pudeur, tout sombra. Il ne fut plus maître de lui-même. Elle triomphait. « M'aimes-tu ? Je t'aime. Plus que ton salut ? Plus que mon salut ? Jusqu'au péché ? Jusqu'à la damnation ? Jusqu'à la mort éternelle ? Ah ! Me perdre avec toi ! Rouler dans un abîme ! Ne plus penser ! Dormir ! Mourir ! Va ! L'éternité incertaine ne vaut pas une nuit d'amour. Tes mains sont glacées. Tout ton corps tremble. C'est le bonheur. Je pleure de bonheur. Ah ! Berce-moi ! Parle-moi ! Endors-moi, ton parfum m'enivre. Pauvre, pauvre enfant. Oui, un pauvre enfant sans force, sans volonté, qui souffre, qui t'aime. Apaise-toi, ferme les yeux, oublie, nous sommes seuls au monde. Rien n'existe hors de nous. Les pavots fleurissent sur notre peine et conseillent le sommeil. Endors-toi, les pavots, oui, l'amour, la mort. Que parles-tu de mort ? Tu délires ? Nous sommes jeunes et pleins de vie. Aimons-nous ? Longtemps, toujours, toute la nuit. Toutes les nuits de ma vie. Tu ne me quitteras plus ? Tu me suivras, bien loin ? Au bout du monde, hors du monde, donne-moi encore un baiser. Endors le souvenir qui me tue. Anéantis le passé. Verse-moi le soleil de l'esprit, le repos du cœur. La volupté des sens, les beaux songes, l'oubli. Les heures grises, qui annoncent l'aube, tombaient du clocher de Hautfort. Un fil pâle raya les volets. Le sifflet d'un train déchira l'air frigide. C'était le temps où Madame de Chanteprie, à genoux, dans sa cellule, disait matine, devant le Christ, aux bras étroits. Fin de la section 23.